Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, la grosse nouvelle ce matin, elle vient du curling, alors que l'équipe de Jean Lamotte, Michael Godreau, Roch Larouche et ainsi que le capitaine Jacques Taillon qui est de Saint-Félicien-en-Berval vont représenter le Québec au championnat senior de curling qui aura lieu en Saskatchewan du 1er au 7 avril prochain. Hier, la formation de Saint-Félicien-en-Berval ont défait la formation de Christian Crête par la marque de 5-1. L'équipe de Jacques Taillon avait subi un revers contre Christian Crête en phase préliminaire, mais ils se sont bien repris. Donc, hier, l'équipe de Jacques Taillon a battu la formation, comme je vous l'ai mentionné, de l'équipe de Christian Crête 5-1. Donc, on va parler au cours de la journée avec le capitaine de l'équipe Jacques Taillon dans la section entrevue de danradiosport.com. La région de Saguenay-Lac-Saint-Jean a terminé au 9e rang lors des finales des Jeux du Québec qui se sont terminées samedi dans la vieille capitale. C'est 6 médailles d'or, 13 médailles d'argent et 16 médailles de bronze. C'est le patinage de vitesse sur courte piste, le judo et l'haltérophilie qui ont bien figuré lors de cette compétition. En curling, la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean chez les filles ont battu la formation de la capitale nationale 9-3. Maintenant, il y a beaucoup de hockey. On est dans la période des séries éliminatoires, mais avant, on va vous parler des Saguenay de Chicoutimi qui est en action deux fois au cours du week-end. Ils l'ont emporté 7-4 contre les Tigres de Victoriaville. Ça se déroulait hier. Notez que Vladislav Kotkov a marqué 2 buts et a amassé 1 passe. Zachary Lavigne, 1 but, 1 passe. Il y a également Samuel Hood qui a marqué 2 buts et 1 passe. Et Félix-Antoine Marcotti, 3 passes. Vincent Tremblay et Hendrick Lapierre ont complété le pointage. Et vendredi, autre victoire des Sags, 3-2 contre le Phoenix de Sherbrooke. Justin Duchamp, Liam Murphy ont marqué les buts des Saguenayens. Ligue nord-américaine de hockey, la série entre les Marquis de Jonquière et Sorel-Tracy est maintenant égale 1-1. Vendredi, les Marquis ont perdu 4-2 contre les Éperviers de Sorel. Et samedi, victoire des Marquis 5-4, toujours contre Sorel. 3 buts dans le match pour Yannick Riendo. 1 but, 1 passe pour Jean-Sébastien Birubé et Yann Joseph a complété le pointage. Maintenant, sur la scène locale, le multiconcessionnaire de Dolboum-Sissonnière a remporté la série contre Charlevoix samedi dans la Ligue du Lac-au-Fleuve. Ils l'ont défait en 4 rencontres, donc la troupe de Julien Leclerc l'a emporté 5-1. Pierre-Olivier Nault a marqué 1 but et a amassé 2 passes. Il y a Steven Girard qui a marqué 1 but, 1 passe. Jonathan Fleury, Michael Drolin ainsi que Jean-François Fortin ont aussi compté. Vendredi, le multiconcessionnaire avait perdu 9-5. Ça se passait à Charlevoix. Donc, Jonathan Fleury avait réussi 3 passes dans la rencontre. Donc, en grande finale, pour une deuxième année consécutive, le multiconcessionnaire sera en grande finale. Ils vont affronter le MJR Express de Ville-Saguenay. On devrait connaître les dates prochainement. Ligue junior régionale maintenant. Les Épervilles de Normandin mènent 3-0 dans la série contre les Saguenayens de Chicoutimi. Hier, les Épervilles ont gagné 7-4. Guillaume Tremblay a marqué 5 buts dans la partie. Il y a également Charles Tremblay qui a marqué 1 but, 2 passes. Philippe Surgéry a complété le pointage. 4 passes pour Jérémy Cloutier. Samedi, les Épervilles avaient gagné 5-2 toujours contre les Saguenayens. Les Épervilles pourront finir mercredi soir à Chicoutimi. La série entre les Sabres de Roberval et les Marquis de Jonquière est maintenant menée 2-1 par les Marquis. Notez que les Marquis ont gagné 7-0 dans le cadre du match d'hier. Samedi, les Sabres avaient gagné 6-4, toujours contre ces mêmes Marquis. Ligue Midget Régionale, les Castors ont gagné à 5-3 contre les Aiglons d'Allemagne pour niveler les chances dans la série 1-1. Thomas Mailloux a marqué 2 buts. Il y a Jacob Boulian qui a complété un but avec 1 but, 1 passe. Vincent Lavoie, Philippe Ouellette ont aussi marqué 3 passes pour Zachary Fortin. Samedi, dans le cadre du premier match, les Castors avaient perdu 4-3. Et dans l'autre série, le Marcos Pob de Saint-Félicien tire de l'arrière 2-0 contre les Marquis. Hier, le Marcos Pob a subi une raclée de 8-1 contre les Marquis. À noter que Simon Dumas a été le seul à faire bouger les cordages pour les perdants. Samedi, le Marcos Pob s'est incliné 6-3 contre les Marquis. Le sport local et régional... À danradiosport.com. On s'en occupe.